Le journal d'internet sud-coréen Online News annonce que les gens de Busan pour la paix et la réunification ont manifesté le 31 mai sur la place de la mairie de Busan contre les autorités qui protègent les menées de guerre biochimique des troupes américaines d'occupation de la Corée du Sud.